Merci papa, maman, je ne suis plus un étudiant. J'ai eu le beau diplôme qui dit que je suis économiste. Ce furent trois belles années où je me suis cru aristocrate. Pendant que vous trimiez pour me payer ma future cravate, j'ai un peu étudié et même si je n'ai rien appris, il me semble que cela suffit pour être un homme accompli. Et plus tard dans mon petit costard, je pourrais voir de haut les usinards qui n'ont pas eu l'esprit d'avoir eu papa, maman pour payer l'appartement, les études, l'alcool et puis la drogue évidemment. Je suis un jeune normal, pas un petit bourge pourri gâté. Dans mon 12 mètres carrés, j'apprends que l'argent c'est important. Alors assis au bar, je me la joue les misérables. Dans ma pauvreté provisoire, je mène une bohème bien agréable. Parfois quand il fait beau, je vais à des manifs de gauchos, vibrant de plein d'idéaux que je n'avais pas deux heures plus tôt. On y chante des slogans, des raccourcis bien percutants, tirés du manuel du petit anard débutant. Car gueuler c'est exaltant, mais réfléchir bien emmerdant. Je me donne l'air différent, mais j'ai papa, maman pour payer l'appartement, les études, l'alcool et puis la drogue évidemment. Il faut bien s'amuser pendant ces jeunes années avant d'aller signer à durée indéterminée. C'est ainsi que va le monde, on nous a pas pris en traître. La Bible et la télé s'accordent, travail, famille, retraite. Alors à quoi me servirait d'être un intello pas rigolo, à part à me gâcher mes seules années de liberté. Et je vais pas me sentir complexé d'être un parfait illettré, vu que l'État m'a dit c'est bon, t'as fini ton éducation. Mais plus tard dans mon petit costard me vient un doute, mais c'est trop tard quand je repense au temps où j'avais papa, maman pour payer l'appartement, les études, l'alcool et puis la drogue évidemment.